ce soir, c'est l'ajustement. Alors, je vais ajuster une chose. Le 25 de novembre, il faut bien comprendre, 25 octobre. Octobre. Bon, maintenant que c'est ajusté. Ici, on est toujours en ajustement. Alors, si on passait à la définition de ce qu'est être ajusté, qu'est-ce que ça voudrait dire? Être ajusté, ça veut dire un peu être heureux. Bon. On ne peut pas prouver à personne que l'on pense. Si on dit à quelqu'un « je pense », la personne pourrait dire « ça ne peut pas ». Essayer de lui prouver, de lui expliquer, ça ne fonctionne pas. Mais malgré que chacun d'entre vous, à un moment donné de votre vie, vous avez vécu et vous allez encore vivre des situations qui sont internes, des situations qui sont propres à vous, il y aura toujours des personnes à l'extérieur de vous pour vous dire que ça ne se peut pas. Un jour, une personne croit voir un ovni, alors elle rentre chez elle et elle dit ça à sa famille, et ça ne peut pas. Un jour, une personne croit rêver quelque chose de formidable, de merveilleux, le lendemain, elle essaie d'expliquer, ça ne se peut pas. Mais non, t'es folle. Qu'est-ce qui t'arrive? Un jour, une personne achète un livre, elle lit le livre, et là, elle se sent transformée, alors elle veut dire à quelqu'un, ou à son mari, ou à sa femme, ou à son voisin, « Lis ce livre-là! » Et on essaie de lui expliquer qu'est-ce que ce livre nous a rapporté. Et souvent, ce que l'on dit sert contre nous. Alors, ça crée un problème parmi les gens qui se conscientisent. C'est qu'à un moment donné de leur vie, ils vivent des choses intérieures. Ils pensent à des choses. Ils souffrent moins ou ils souffrent différemment. Ils pensent différemment. Ils n'ont plus peur ou ils ont plus peur. Ils sont angoissés ou ils sont sécures. Ils se sentent malheureux ou ils se sentent heureux. Et lorsqu'ils essaient de communiquer cela à d'autres, il y a un problème. On rit d'eux. On ne les comprend pas. On essaie de les reformer, de les récupérer. On veut les guérir, on veut les soigner. Celui qui se fait tirer aux cartes apprend des choses, peut-être. Mais lorsqu'il va parler de ce qu'il a appris chez la tireuse de cartes, ou chez le tireur de cartes, parce que l'homme s'est libéré dans ce domaine aussi, eh bien, on lui dit qu'il s'est encore fait avoir, qu'il a encore gaspillé de l'argent, etc. Mais la personne qui se fait tirer aux cartes ne gaspille pas de l'argent, elle achète de la sécurité. Sauf qu'elle ne peut pas le dire parce qu'elle ne le sait pas pourquoi elle s'est fait tirer aux cartes. Elle veut connaître son avenir. Un avenir qui, en fin de compte, qu'elle ne pourra jamais changer. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose au niveau mécanique de se faire tirer aux cartes ou de se faire faire une carte du ciel. Mais on achète de la sécurité. Alors la personne qui, à un moment donné, revient, « Ah oui, j'ai une bonne horoscope pour cette année. » Ouais, tu sais, moi, les horoscopes, ben c'est ça le problème. La personne qui a une belle horoscope, elle est heureuse, elle est ravie, elle est contente. Est-ce que ça va changer sa vie? Peut-être pas. Mais elle va être sécurisée, peut-être autant que celui qui sort de l'église en disant, oui, j'ai parlé au Seigneur et il m'a pardonné. Celui qui est athée va dire, non, le Seigneur t'a pardonné. C'est la même chose. Les deux se sentent sécures, les deux se sentent mieux. Sauf que s'ils veulent communiquer leur mieux aux autres, souvent, ça revient contre eux autres. Vous avez vécu des choses depuis le début de votre vie. Vous avez eu des chicanes, des chicanes futiles, des chicanes imbéciles, des chicanes typiques de l'enfant ou de l'homme ancien. Mais vous avez eu aussi des arguments au niveau de votre propre cheminement, au niveau de ce que vous viviez, au niveau de ce que vous sentiez ou perceviez, au niveau de ce que vous pressentez, au niveau de ce que vous pensez. Et ces disputes, quoique futiles, n'ont pas servi à vous aider dans votre évolution. Alors, à un moment donné, on doit se couper de la famille, ou on doit se couper de tel ami, ou on doit vivre dans un couple extrêmement compliqué, parce que ou le mari ou la femme ne comprend pas le cheminement de l'autre. Lorsque c'est l'enfant qui, à un moment donné, découvre le yoga à l'école, lorsqu'il rentre chez lui, qu'il en parle à ses parents peuvent facilement lui revirer ça en plein visage. On parle de secte. C'est une gymnastique physique extrêmement intéressante. On interdit à l'enfant ceci, on interdit à l'enfant cela. À un moment donné, il y avait une personne, un couple qui voulait rentrer dans une secte particulière. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils ont convaincu leur enfant de faire de même. 5-6 ans après, le couple change de secte et maintenant trouve la vraie secte et la vraie voie. Et maintenant veulent encore que leur enfant change parce que l'autre, c'est le diable et qu'il se transforme encore pour suivre les parents. Alors l'enfant ne veut pas. Chacun vit quelque chose à l'intérieur. Le cheminement évolutif, effectivement, est-ce qu'il ne serait pas de l'être lui-même, seul? Est-ce qu'on peut communiquer aux autres ce que nous vivons à l'intérieur sans risquer de voir transformer, déformer ce que l'on vit par le fait qu'on le communique? Est-ce que quelqu'un qui nous écoute peut parfaitement savoir, connaître, sentir, pressentir, vivre ce que nous vivons intérieurement? Si les deux êtres sont parfaitement télépathes, oui. Et sinon, non. Alors, ce qui arrive, c'est que, à travers tout ce que l'humain vit, il vient un temps où il ne peut plus en parler, ou s'il en parle, ça revient contre lui. Alors, à un moment donné, on travaille, et puis le gars avec qui ou la fille avec qui on travaille est extrêmement nerveux, hein, nerveux tout le bureau, toute l'usine. Alors, on essaye de le calmer parce que on a appris des choses, et puis on s'en fait un ennemi souvent. Ça peut fonctionner qu'on s'en fait un ami. Mais il y aura toujours un clan qui va se former parce qu'il y aura toujours un paquet de monde qui vont vouloir retourner contre vous ce que vous allez dire ou faire. Qu'est-ce qui crée ce principe? Est-ce que c'est parce que certains évoluent, les autres n'évoluent pas assez vite? Souvent, c'est ce que l'humain va dire. « Ah oui, mais moi, là, je suis écœuré de travailler là, c'est une gang d'évoluer. » Non, c'est pas ça le problème. Alors, est-ce qu'on va dire « Oui, mais ma femme ou mon mari, s'il comprendrait, tu sais, on dirait qu'il est bouché, il veut pas comprendre ou elle veut pas comprendre. » Pas ça non plus. Le problème n'est pas là. Vouloir chercher le problème là, puis vouloir appliquer une solution sur ce problème illusoire, bien évidemment, c'est une perte de temps, ça ne marche pas. Ça finit par le divorce, ça finit par les chicanes, les engueulades, par la perte d'emploi, par un paquet de phénomènes. Bon, certains, évidemment, restent en couple. Mais ça devient un couple relativement souffrant. Papa fait du yoga pendant que maman fait du jogging à côté. Puis les deux n'arrivent pas à se comprendre. À ce moment-là, c'est que l'individu, il faut qu'il apprenne à se supporter lui-même. Bon, premièrement, oui, ça c'est la première chose, arriver à se supporter soi-même. Si les autres peuvent pas nous supporter, ben arrangez-vous au moins pour vous autres pouvoir vous supporter. Mais ce qui arrive souvent, c'est que l'individu peut même pas se supporter. Alors, il est obligé de se faire supporter par les autres. Alors, évidemment, il veut communiquer ce qu'il vit. Et c'est là que commence le problème. Il veut communiquer ce qu'il vit, mais ce qu'il vit, est-ce que ça peut être supportable pour les autres? Pas nécessairement. Alors, les autres ne voulant pas le supporter, le lui remettent. Le lui remettant, tout ce qu'il dit sert contre lui. Ou tout ce qu'il fait sert contre lui. Alors, évidemment, l'individu qui chemine, qui se conscientise, qui apprend des choses, qui vient tout joyeux à un moment donné d'avoir découvert que, bon, qu'il peut arrêter de fumer, alors il veut encore arrêter de fumer, et puis là, son mari, sa femme ou son voisin vient lui dire, non, oui, on le sait, ça fait 20 fois que tu vas arrêter de fumer, tu vas recommencer. Cesse donc de te torturer. Et ça, c'est fait. Mais quel est le moyen, justement, le principal? Tu le dis pas. Si tu peux te supporter toi, tu le dis pas. Si tu le dis pas, personne ne va revenir contre toi. Alors là, tu peux t'organiser. C'est pas de l'ajustement, ça. Tu te tais. Celui qui, à un moment donné, entre en contact avec lui ou avec ce qu'il voudra, s'il apprend à se fermer la boîte, il n'y aura jamais personne pour monter contre lui. Celui qui, à un moment donné, vit une espèce de bonheur, souffre de moins en moins, les conditions climatologiques le dérangent de moins en moins, ben, qu'il n'aille pas s'en vanter. Ou qu'il aille même pas vouloir le faire supporter par d'autres. Es-tu comme moi, toi? C'est drôle, ces temps-ci, on dirait que c'est dangereux. Et plus celui à qui on parle nous connaît, plus c'est dangereux. Parce que votre chemin, votre conscientisation, ce qui va arriver, c'est qu'un jour, vous allez vibrer d'une certaine façon. Heureux, peut-être. Bien. Calme, patient. Et là, vous allez vouloir le dire aux autres. Mais le lendemain, après une mauvaise nuit, vous vous levez, impatient, on va-tu vouloir mettre sous le nez votre évolution? Ouais, l'évoluer, là, regarde-toi donc faire. Faites. T'sais? Oh, ouais, c'est beau le yoga. T'sais, t'es en train de crier. Ben oui, mais l'humain marche comme ça pour l'instant. L'humain fait des rechutes. Mais ça, c'est jamais compris par les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des guerres d'égo dans les amis, dans les couples, et on se sert souvent de ce qu'un jour on a dit de trop pour justement pouvoir attaquer l'autre. Je vous donne un exemple. Vous instruisez à un cours d'anglais. Pour ceux qui ne sont pas, par exemple, bilingues anglais. Et là, vous payez 400 $ vous avez le cours, vous faites ceci, vous faites cela, mais votre concubin ou concubine, votre mari, votre femme ne trouve pas ça tout à fait génial. Alors, à un moment donné, vous vous perdez à Westmount. Et puis là, votre femme, elle est, ou bien non, le mari, enfin, une partie du couple, celui qui chauffe pas, là, commence à être impatient parce que l'autre est niaiseux, l'autre s'est perdu, il aurait dû l'écouter avant, il aurait dû virer vers les deux provinces, bon. Et puis, à un moment donné, ben là, renseigne-toi donc, tu parles anglais? T'as 400 piastres. Fait que là, t'essayes de parler, mais t'es nerveux, l'autre, t'es sur le dos. Fait que tu parles tout croche, tu comprends rien, puis l'autre continue à t'arrêter harceler. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que tu as dit revient contre toi. Et là, je parle d'un cours d'anglais, mais c'est le même phénomène pour n'importe quelle vision de transformation de l'humain. Chaque fois que vous voulez vous transformer, vous améliorer, hein, il y a toujours tout le monde contre vous autres. Bon. Chaque fois qu'on pense être transformé, puis qu'on va le dire, ah oui, il y a évidemment des sectes, puisque, ah oui, oui, OK, c'est sûr. Même si vous ne vous transformez pas, ils vous chantent des... Mais moi, je ne parle pas dans des organisations, dans des microcosmes fermés, je parle dans la vie courante. C'est compliqué. Chauffeur d'autobus qui commence à sentir qu'il a appris des choses, il a lu un livre ou il a suivi tel cours. Parce qu'il y a des cours qui valent rien, mais il y en a qui changent le monde. Quand la bonne personne s'adresse au bon cours. Alors, le bonhomme, il est correct, etc., ça va bien, puis là, il y a une personne qui arrive, et puis, ah, mais vous avez bien l'air joyeux, le chauffeur, ah oui, certainement, certainement. Mais c'est quoi votre secret? C'est top secret. Parce que s'il lui dit, ça peut être dangereux. Ah ben, je suis témoin de Jéhovah depuis 2 semaines, puis... En fait, pourquoi ça peut être bon d'être témoin de Jéhovah? Comme ça peut être néfaste, ça dépend des individus. Mais l'autre, si l'autre est mormon depuis 2 semaines, il va se passer quelque chose. C'est pas de bon d'être heureux si vous n'êtes pas mormon. Puis là, on va dire, c'est pas de bon d'être heureux, vous êtes témoin de Jéhovah. C'est-à-dire que depuis 2 semaines, je suis témoin de Jéhovah. Ah oui, pauvre vous, vous allez souffrir. Ah là, ça va bien. Comment ça? Ben moi, je suis mormon, puis je le sais, moi. Ta boîte. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'homme normal, l'homme transitif, quand je parle de l'homme, je parle de la femme, je parle de l'enfant, je parle de l'humanité. En français, on appelle ça l'homme. Mais oui. Bon. Alors, résumons les choses. C'est plus facile si je parle de l'homme que si à tout bout de champ, je dis l'homme, la femme, l'enfant, l'homme, la femme, l'enfant, la femme, l'homme, l'enfant, l'enfant, l'homme, la femme. À un moment donné, on s'en allait chez vous pour se remettre plus si on est un homme, une femme ou un enfant. Bon. Alors, l'homme. Lorsque l'homme se conscientise, qu'il soit transitif, quel que soit son niveau de transition vers lui, ce que j'appelle l'homme nouveau, c'est que lorsque l'homme se supporte lui-même, lorsque l'homme est lui, lorsque l'homme n'a plus besoin de demander à un autre, penses-tu que je suis correct si je fais ça? Puis c'est. Bon. Et s'il manque son coup, le supporte. Lorsque l'homme est en transition, plus souvent qu'autrement, des vestiges de ce qu'il était avant sa transition viennent le manipuler, viennent le hanter ou viennent encore le diriger. Parce que l'homme ancien est quelque chose d'absolument génial. C'est sur l'homme ancien que va naître l'homme nouveau. Alors, toute l'expérience qui a construit l'homme ancien, qui a construit celui qui pense traditionnellement, qui a construit celui qui veut savoir si tout le monde est d'accord avec, qui a construit celui qui veut convertir, qui a construit celui qui a besoin d'une société collective, pour pouvoir se sentir correct, qui a besoin de savoir s'il est normal pour se sentir bien. Bon, celui-là, ben, à un moment donné, il engendre un homme transitif, celui qui ne sait plus si, parce que tout le monde le fait, si c'est correct. Celui qui ne sait plus s'il pense parce qu'on l'a instruit à penser comme ça, ou bien non, si à un moment donné, il pense parce que c'est lui qui pense comme ça. Ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain se conscientise, lorsque l'être humain chemine, lorsque l'être humain évolue, obligatoirement, pour la grande majorité, il a besoin de se faire supporter par les autres. On fait du jogging, et bien, à un moment donné, on a besoin de se faire supporter. C'est pourquoi on va s'inscrire peut-être à un club. C'est pourquoi on va aimer s'habiller à la mode de jogger. Mais c'est une forme aussi d'ajustement, toutes ces choses-là. Ce n'est pas une forme d'ajustement. Non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme d'ajustement? Bon, on y arrive. Là, la personne, l'homme transitif, quel que soit son niveau de transition, alors à un moment donné, il parle. Ça devient dur, en maudit, de supporter du bonheur. Et il faut qu'on le communique. Autant que c'est dur de supporter du malheur, on veut le communiquer. Mais le temps qu'on perd à communiquer le bonheur, l'autre ne peut pas vivre ce bonheur. Parce que celui qui est heureux parce que vous êtes heureux, c'est un maudit têteux. Parce que sinon, il ne peut pas être heureux parce que vous êtes heureux. Normalement, si quelqu'un est heureux, l'autre est jaloux. L'autre est malheureux. Hein? Passez pas devant des pauvres pour leur dire que vous êtes riche. Bon, passez pas devant des malheureux pour avec un grand sourire. Parce que vous ne les rendrez pas heureux. Soyez malheureux vous aussi, là, vous allez peut-être... parce que tout le monde se supporte, ça l'aide. c'est pas du bonheur, mais ça l'aide. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on fait une découverte extraordinaire et on veut absolument la communiquer à notre meilleur ami, ou à notre mari, ou à notre femme, ou etc. Et c'est ça le problème. Si on n'a pas le choix, si on ne peut pas s'empêcher, si on ne dort plus, si on fait rien que penser à ça tant qu'on ne l'a pas dit, si notre secret est trop lourd à porter encore pour l'instant, parce que l'homme a encore les épaules un peu faibles, on le s'est renforcé à la longue. Après des milliers d'années, c'est de plus en plus fort, et puis plus ça va, plus ça se renforcit vite. Mais lorsque le poids de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on vit ou ne vit plus, devient trop pesant à supporter, veut pas, l'homme veut le partager. Et c'est moins pesant. Alors, si on n'a pas le choix de le partager, pour différentes raisons, il y a deux raisons. Parce qu'on n'a pas le choix parce que l'on n'est pas suffisamment fort, ou parce qu'on n'a pas le choix parce que les conditions événementielles font qu'on n'a pas le choix. Il y a deux raisons. Alors, c'est le temps, là, de découvrir c'est quoi l'ajustement. L'ajustement va entrer en fonction lorsque vous allez être capable d'ajuster ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez faire supporter au support de l'autre, c'est-à-dire au rack de l'autre. Si la personne à qui vous voulez parler, par exemple, a un plat qui est rond, n'allez pas essayer d'entrer un morceau de casse-tête carré là-dedans. Il va vous le tirer en plein visage. Alors moi, je rencontre une personne qui fait partie de telle secte et je connais un peu ce qu'elle fait parce qu'elle n'a pas pu faire autrement que de vouloir que je la supporte. Donc, je connais tout ce qu'elle fait. Et moi, je vis quelque chose et c'est la seule personne avec qui je peux en parler. Alors, j'arriverai pas en disant « J'ai découvert que Dieu n'était en aucune religion. » Tu sais, ben non, lui, il est d'une secte. Alors, je dirais pas, mais c'est pas ajusté. Alors, je lui dis « J'ai découvert le Dieu qui est dans ta religion. » Puis c'est un Dieu wise parce qu'il est même capable de sortir et aller voir ailleurs. À l'autre, tu sais, il est puissant, ton Dieu. Correct, s'il est puissant, il n'empêchera pas de sortir. Ah, c'est de l'ajustement. Alors lentement, l'autre, il va lentement monter vers toi. Et puis, c'est pas de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est sûr que si, d'une certaine façon, c'est de l'hypocrisie. Mais qu'est-ce que c'est? Ou bien je lui mets tout en plein visage que moi je veux vivre. Et puis lui, ben là, il me redonne ça avec la chaudière de métal. Et puis on se bat. C'est aussi hypocrite. Ça fait mal, ça détruit les relations, c'est inécologique, c'est inharmonieux, c'est débile. Bon. Alors, je discute avec, et puis lentement, alors lui monte, et puis là, on jubile tous les deux dans nos propres domaines, et puis on arrive à communiquer. Pourquoi? Parce que je me suis ajusté. Un autre exemple. Ça, c'est l'ajustement où je n'ai pas le choix, je dois le communiquer. Mais où je peux me supporter moi, je suis capable de supporter ce que je vis, mais l'événement fait que je dois m'ajuster. Je vais dans un salon mortuaire et puis je vais voir une personne que j'ai connue, que j'ai appréciée, que j'ai respectée toute ma vie, que j'ai aimée toute ma vie, et puis elle est morte. Et puis moi, je ne pleure pas parce que je ne vois pas, ça ne marche pas. Bon, alors tout le monde pleure, tout le monde me regarde en voulant dire « crime, il haïssait à ce point-là, il y avait des horaires qui partent. Non, je ne vois pas, ça ne marche pas. Je suis capable de me supporter, mais là, les autres me supporteront pas si je ne m'ajuste pas. Alors, je vais m'ajuster, je vais feindre un peu, je vais acter un peu, et puis je vais resterai pas là une journée de temps à acter. À un moment donné, je vais mourir là, moi aussi. Mais je m'ajuste aux personnes. Oui, c'est un bon gars, c'est un gars formidable. Ben, dites-en un peu, même si c'est plus nécessaire pour vous, ben, dites-en qu'un peu. Parce que l'amour n'est pas déterminé par le nombre de larmes que vous allez verser sur quelqu'un qui est parti. Ça, c'est le nombre de larmes, c'est surtout la quantité d'attache que vous aviez avec, comment vous le possédiez. Plus on possède quelqu'un, plus on broye quand il n'est plus là. Bon, c'est pas de l'amour. Alors, celui qui possède aime en plus. Il pense qu'il pleure parce qu'il aimait. Non, il pleure parce qu'il perd. Il dit lui-même, hey, on vient de perdre quelqu'un. Bon, il perd. Mais il l'aimait aussi. Tandis qu'à un moment donné, l'homme transitif ou la femme transitive va aimer, mais n'aura pas possédé. Donc, va laisser l'autre partir. Alors, elle ne pleurera pas. Elle ne souffrira pas de la même nature de souffrance que l'homme ancien. Mais évidemment, c'est très mal ajusté. Quand ta mère est à côté et c'est ton père qui est mort, c'est très mal ajusté. Surtout quand tu sais qu'il t'a légué tout, c'est très mal ajusté. Alors, faut pour s'ajuster, faut donner un peu. C'est pas une diplomatie. C'est de la diplomatie, évidemment, mais c'est de l'ajustement. Et pourquoi je dis dans le titre que la puissance de l'homme nouveau, c'est l'ajustement? Mais regardez quelle puissance afférente vous allez avoir, non pas sur les autres, mais sur vous, lorsque vous allez vous ajuster. L'ajustement, premièrement, c'est couper les manipulations, une grande partie des manipulations de l'extérieur sur soi. Alors, en partant, on va mieux. Ça veut dire ça que tout ce que vous vivez, si vous avez un besoin inné de le communiquer et que vous n'avez pas nécessairement l'entourage parfait pour le communiquer, c'est sûr que si tout le monde s'inscrit au même cours, ça l'aide. Mais c'est rarement le cas. Alors, si on n'a pas le choix, on doit communiquer parce qu'à un moment donné, on en vibre, hein, on en shake, on en tremble, on n'en dort plus, on en devient malade, on fait de la fièvre. Tu sais, le bonhomme ou la bonne femme, quand elle voit son conjoint, tous les 5 minutes prendre une douche froide, il se pose des questions. Fait que la personne est bien mieux de communiquer. Parce que si elle en shake, elle a de la fièvre, elle est mieux, puis elle prend des douches froides pour se calmer, bien, elle est mieux de communiquer avec son conjoint. Sauf que si elle communique avec son conjoint que dans la rue elle a rencontré un petit pamphlet ou qu'elle a vu quelque chose ou qu'elle a eu un flash ou que n'importe quoi, elle est mieux de s'ajuster en maudit. Parce que là, le mari, c'est lui qui va la forcer à prendre des douches froides. Ou la femme. Bon. Le problème, voyez-vous, c'est que une bonne chose, un temps, devient souvent une chose malsaine un autre temps. Cela veut dire que ce qui a manipulé ou ce qui a orchestré ou géré l'évolution de l'humanité dans le passé n'est plus nécessairement aussi valable dans le présent. Comme ça peut être aussi altéré et devra être changé dans le futur. Lorsque nous disons, par exemple, lorsque l'être humain a été enseigné à connaître le défaut et la qualité, disons aussi le péché et la bonne chose, la bonne action, c'est intelligent. Parce que étant donné que l'être humain n'avait pas la possibilité de discerner le bien du mal, parce que même si dans la Bible on dit que l'homme a la possibilité de discerner le bien du mal, c'est ça qui a créé l'homme, c'est lorsqu'il a, je ne sais quoi trop fait avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme connaît le bien et le mal, sauf que l'homme connaît le bien et le mal après l'avoir fait, jamais avant. Et à la longue, par l'éducation, il finit par connaître avant, c'est-à-dire qu'il connaît maintenant qu'il l'a appris. Mais l'enfant à la naissance ne sait pas si c'est bien ou mal, il agit. Et après, karmiquement, écologiquement, il y a des conséquences. Et là, il découvre que c'est inharmonieux, donc péché, et que c'est harmonieux, donc bonne chose. Le problème, c'est que aujourd'hui, la majorité d'entre vous êtes capable, selon votre propre conscience, de déterminer si une chose est bien ou mal. Et quand je parle de mal, je ne parle pas de maléfique, de satanique, de démoniaque, de luciférien. Je parle de mal, d'inharmonieux, d'inintelligent, d'inconséquentiel, d'inécologique. Vu que la majorité est arrivée à ce stade où vous êtes maintenant capable de discerner un peu plus que nos ancêtres le bien du mal, sans nécessairement vous référer à des livres sacrés ou à une éducation sociale, bien, ça crée un problème. Ça crée un sacré problème. Pour la simple raison qu'automatiquement, l'humain, dans sa phase d'évolution, dans sa phase de conscientisation, ne sait plus s'il doit faire à sa tête ou s'il doit toujours se référer à la masse. Ce qui va encore l'obliger à demander l'opinion des nôtres. Et j'aimerais prendre tel cours, là, puis je sais pas si je devrais, qu'est-ce que tu en penses, puis ça risque, encore une fois, on se fait avoir. Parce que si vous avez un feeling, à un moment donné, que vous devez faire telle chose, ben, si vous voulez communiquer votre feeling à d'autres, les autres ne l'ont pas, alors les autres vont vous suggérer de ne pas le faire. Et combien de fois avez-vous placé votre vie entre les mains d'un paquet d'autres personnes qui n'arrivent même pas à gérer leur propre vie? Combien de fois avez-vous demandé l'opinion de quelqu'un qui n'était pas apte à vous donner son opinion? Ne demandez pas à celui, par exemple, qui est dans une secte, si vous faites bien de rentrer dans la même secte. Et ça va être oui. Mais ne demandez pas non plus à celui qui ne veut rien savoir du phénomène spirituel ou d'évolution si vous devez faire tel cheminement. Ça va être non. Et étant donné que chacun a besoin d'être supporté par l'autre, si lui fait partie de la scientologie et que moi je veux suivre un cours de psychologie quelque part, ben si je demande à lui, il va me dire « Non, fais pas ça, viens avec moi. » Alors en fin de compte, on ne sait jamais. On est toujours perdu. Chaque être humain, enfin la grande majorité aujourd'hui, enfin, vous autres, la grande majorité, vous êtes capables maintenant de discerner ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, et non plus à partir de la tradition. Et ça amène une forme de souffrance chez l'homme. Et lorsque l'homme veut communiquer cette idée, Mais encore là, il doit s'ajuster, parce que s'il ne s'ajuste pas, on va dire qu'il blasphème, on va le traiter de ceci, on va le traiter de cela, d'inconscient, d'un paquet de termes. Mais il se trouve qu'avant que tout le monde devienne chrétien, c'était blasphématoire que d'être chrétien. Mais on les tuait, les chrétiens, à l'époque. Mais maintenant que tout le monde est chrétien, ah ben là, ça devient complexe de ne plus être chrétien. Et continuellement, on marche comme ça. Si un jour, on a une religion mentale, une autre forme de phénoménologie de l'évolution, eh bien, on va parler des religions archaïques. On va parler, on va dire, c'est normal d'être comme ça. Puis à l'époque, ils ne comprenaient pas. L'homme évolue toujours. Du temps que la Terre était plate, il fallait que la Terre soit plate. Celui qui découvrait que la Terre était ronde, il fallait que ça s'ajuste s'il voulait le communiquer. On a plusieurs... toute la symbolique est apparue sur le plan planétaire parce que ceux qui avaient la connaissance à un moment donné l'ont communiqué d'une façon ajustée. Soit par le biais des tarots, soit par le biais de peintures, soit par le biais de poèmes, de livres, d'histoires, etc. Ils s'ajustaient. À l'époque, on les tuait. Mais aujourd'hui, on ne tue plus personne. Enfin, ici. Parce qu'il y a beaucoup de pays où ce qu'il ne faut pas trop penser mal. D'ailleurs, l'Amnesty International le sait. Alors, on ne tue plus. Alors, ce qui fait que l'humain y va, l'humain parle, l'humain jase, et puis l'humain se chicane, l'humain s'engueule, l'humain s'astine, l'humain veut se convertir. On appelle ça le droit de parole. Vous avez été instruit et éduqué à vous faire supporter par les autres, parce que c'est la seule façon qu'ont les autres de pouvoir vous manipuler en sachant ce que vous pensez. Si vous ne communiquez pas aux autres ce que vous pensez, vous faites peur aux autres. Alors les autres vont employer un paquet de phénomènes de manipulation sur votre dos pour vous forcer à ouvrir la trappe. Qu'est-ce que t'as ces temps-ci? Tu vas pas? Tu files pas? Ou c'est que tu vas toujours comme ça? Là, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ça, puis on va sortir tout ce que l'on peut sortir. Il y a suffisamment de nuages manipulateurs à l'échelle de la planète pour amener suffisamment de pensées dans la tête d'un homme ou d'une femme pour obliger son conjoint ou ses amis ou etc., à s'ouvrir. Il y a suffisamment de mécanicité astrale, de mécanicité du monde des morts, de mécanicité mémorielle, traditionnelle, éducative, sociale ou religieuse, pour me permettre à un être humain de pouvoir manipuler en masse de l'individu. Vous savez que lorsque l'être humain n'était pas capable de se supporter, même pas dans son action, lorsque l'être humain renversait de l'eau, il se sentait coupable. Alors, il devait demander le pardon. Alors, il allait voir le propriétaire et il demandait « Excuse-moi, pardonne-moi. » Et si le propriétaire disait non, personne n'était fait pour un maudit bout de temps. Et si le propriétaire disait oui, l'autre disait « Ah, merci. » Le propriétaire ne le pardonnait pas, il têtait de l'énergie dans l'autre. Et l'autre lui en donnait, puis ça, c'est correct. Lorsque l'homme arrive à être suffisamment correct pour se supporter lui-même, ça va. Lorsque l'Église a inventé la confession, c'était génial, parce que lorsque l'homme faisait des conneries, parce que l'homme n'arrivait pas à simuler convenablement toutes les lois de sa religion, l'homme avait toujours l'impression qu'il avait commis des péchés lui fermant le ciel. Alors il allait voir le prêtre, et le prêtre, au nom de Dieu, lui pardonnait. Mais Dieu ne pardonne pas l'homme, parce que Dieu ne punit pas l'homme. Mais vu que l'homme ne peut pas supporter lui-même le poids de ce qu'il fait, alors il demande donc à quelqu'un d'autre de le supporter, et dans le cas de la majorité des religions, ça sera sur les épaules de Dieu. Alors l'homme, il aime Dieu, oui. Il fait supporter toutes les calamités du monde sur son dos, et là, il dit Dieu même, Dieu les prend toutes. Mais Dieu ne prend rien, et l'homme se sera dégagé. Sauf qu'à un moment donné, l'humain, toujours dans cette instruction où il doit s'en remettre, parce que l'Église, à un moment donné, s'est aussi servie de la confession pour pouvoir savoir tout ce que tout le monde pensait. Alors, on manipulait les villages, on manipulait tout le monde, et ça allait bien. Ça a été l'effet secondaire de « c'est impossible, le prêtre a suffisamment d'ego. Le prêtre, à un moment donné, lui aussi était manipulé. » Alors, lorsque tout le monde venait tout lui dire, ben, il connaissait tout. Une chance qu'on n'engageait pas les prêtres à l'époque comme standardistes téléphoniques. Parce que ça se serait su, les choses. Le secret de la confession a donc été imposé par l'Église, parce qu'évidemment, si le prêtre n'aurait pas été excommunié à vie, du ciel et de l'enfer, il serait ramassé une place qu'il ne connaît même pas. Mais il y a beaucoup de prêtres qui auraient parlé. D'ailleurs, j'ai connu, au niveau de la manipulation du secret de la confession, un prêtre, à un moment donné, qui avait été condamné pour meurtre. Parce qu'on avait trouvé chez une vieille dame On avait trouvé une partie de sa toge. On avait retrouvé du sang jusqu'à l'église. On avait retrouvé ce qui avait servi à l'étranglement dans le sous-sol du presbytère. Et le prêtre a été condamné. Le prêtre n'a jamais démenti la chose. Enfin, le prêtre a dit que ce n'était pas lui. Mais c'est tout. Alors, le prêtre s'est ramassé, à un moment donné, dans différentes prisons. Ça date du début du Québec, début du 19e siècle. Et à un moment donné, il s'est ramassé sur une île ou une espèce de prison où on avait quelques lépreux, où on s'en débarrassait. Et le prêtre avait demandé à aller là, tant qu'il était en prison, pour s'occuper des lépreux. Presque 25 ans après, il était condamné à vie. On n'avait pas osé le pendre parce qu'il était prêtre. Et à un moment donné, il a rencontré dans la prison un bonhomme lépreux. Et si le prêtre aurait parlé? Parce qu'un bon prêtre comme ça, on ne met pas ça en prison. Au niveau manipulation, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Et tout ce qui est traditionnel manipule l'humain. Vous manipulez vous aussi. Même celui qui, à un moment donné, ne veut plus te manipuler, il veut se dégager de ceci, de cela, il devient révolté et il rejoint, le clan de tous ceux qui sont marginaux et qui travaillent de la même façon. Ils sont collectifs aussi, d'une autre collectivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'humain a tellement été instruit à partager. C'est « partage ton bonheur, partage ton malheur, partage tes problèmes, ça va te soulager! » Ce qui fait que, induit chez nous, presque cellularisé, on le transmet presque par la génétique tellement on est habitué à communiquer, que tout ce qui nous arrive, on ne peut pas faire autrement que d'instinct le partager. On a essayé aussi de forcer l'humain à partager son argent, mais ça a moins marché. Bon. Alors, on s'est repris sur d'autres choses, paye 300$, puis viens nous dire tout ce qui va pas, puis nous, on va t'écouter. Bon, ça marche un peu. Assez que lorsque l'être humain, lorsqu'on a des services téléphoniques comme TELAIDE, on téléphone simplement pour parler. Ça marche. Tu ne peux pas parler au prêtre parce que tu ne crois plus à l'Église. Alors téléphone au téléphone, et puis crois au téléphone, puis parle, ça te soulage autant. Ça empêche le suicide, ça empêche le meurtre, ça empêche un paquet de choses. Pourquoi? Parce que l'homme parle. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il y a une énergie humaine de l'autre bord qui va être capable de supporter. Celui qui est au téléphone, 12 heures de fil, quand il rentre chez lui, il est tout défait aussi. Pourquoi? Parce qu'il supporte le poids des problèmes des autres. Lorsque l'humain est conditionné à partager, alors obligatoirement, tout ce qu'il va vouloir partager ne sera pas ajusté. Parce qu'on a enseigné le partage, mais on n'a jamais enseigné l'ajustement. C'est comme partager nos richesses avec un pauvre. Si le pauvre n'est pas éduqué à être riche, partager nos richesses avec veut dire jeter une partie de nos richesses aux poubelles. On doit le forcer, on doit l'éduquer, mais si on dit on ne doit pas forcer, alors laissez le pauvre. La vie l'éduquera. On peut lui donner peut-être une galette de sarrasin de temps en temps, mais si on ne lui montre pas à pêcher, ça ne vaut pas la peine de lui donner une cargaison de poissons. Les poissons vont pourrir sur son dos. Lorsque l'être humain veut partager, lorsque vous avez obligatoirement, vous devez partager, lorsque la manipulation se fait suffisamment forte que vous n'avez plus le choix, vous risquez de payer le prix de votre évolution lorsque vous la partagez. Ce que je dis est important. Nombreux ceux qui souffrent de l'évolution parce qu'ils sont mal reçus lors du partage. Parce que celui qui se tait ne souffre de l'évolution que d'une seule façon, l'envie de parler. Parce que sinon, s'il se supporte, il ne souffre pas de l'évolution. Alors celui qui ne peut pas s'empêcher de parler, lui souffre. Là, on peut lui dire, c'est tough en maudit. La vie, c'est tough. La conscientisation, c'est tough. Problème de couple, problème de travail, problème professionnel, problème de ceci, problème de cela. C'est tough. Mais regardez d'où vous viennent les problèmes, la majorité des problèmes qui font que l'évolution est souffrante. Les autres. Le refus obstiné de la collectivité de vous voir avancer plus vite que la masse ou de vous voir avancer sur un chemin différent de la masse. Alors, on s'évertue à bien vous faire comprendre que si vous voulez continuer dans votre chemin, bien, vous allez payer le prix. Notre prix. Le prix de la collectivité. Alors, si on doit obligatoirement communiquer parce que on est manipulé à un point tel que ça sort tout seul, on doit apprendre à ajuster. L'homme nouveau ou l'homme transitif, remarquez bien, devient puissant par rapport à lui, pour la simple raison qu'un jour, il a la faculté de parole. Pas la faculté d'être érudit. Pas la faculté d'inventer des mots. La faculté de mettre les bons mots qu'il connaît aux bonnes places. Et de savoir ouvrir la trappe lorsque c'est le temps et de la fermer lorsque ça devient dangereux. C'est ça, l'ajustement. On n'explique pas à un enfant de 5 ans tout le mécanisme de l'ordinateur ou de ceci ou de cela. Avant, on disait de la sexualité. Bon, parce que c'était le seul, même les adultes ne comprenaient pas ça. Alors, il dit, c'est l'exemple qu'on donnait. On n'explique pas aux enfants ce que les adultes ne comprennent pas. Bon, ils ne comprennent pas l'ordinateur non plus. C'est la même idée. Pourquoi on n'explique pas tel quel? Parce qu'on ajuste. Alors, on a des logiciels sur l'ordinateur qui sont des petites bébites, des abeilles qui se promènent, puis qui font ceci, puis qui font cela, puis là, ils nous montrent des bebelles, puis l'enfant, il aime bien ça, puis l'enfant, il... Bon, OK, ça marche. Arrivez-lui pas avec un programme de gestion d'entreprise pour lui dire, ben là, il faut que tu apprennes à fonctionner avec un ordinateur. L'enfant va vous répondre carrément qu'il veut rien savoir. Alors là, vous allez vous dire, crème, il n'est pas évolué, il est bien cave, il est bien niaiseux. C'est le même phénomène pour l'évolution. À un moment donné, on arrive chez quelqu'un, oui, alors, tu vas arrêter de t'en faire. Hey, c'est beau à dire. J'attends depuis 2 heures que mon mari rentre. Puis je devrais pas être inquiète, une immense tempête de neige, puis je arrête de t'en faire. Bon, on va jamais dire à quelqu'un qui s'en fait, arrête de t'en faire. C'est pas ajusté. On doit l'aborder de façon ajustée, sinon, ben, à un moment donné, on va se faire voir comme étant un anormal, hein, à un moment donné. On ne doit pas dire à quelqu'un, ne fais plus ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela, suis-moi, regarde, etc. Si on doit partager, on doit toujours s'arranger pour être écologique, donc pour que l'autre puisse supporter ce qu'on va lui donner. C'est ça l'ajustement. L'ajustement, ça fait que moi, à un moment donné, on me posait une question, est-ce que vous avez des amis? Ben, tout plein. Commencez un souper avec des amis chez vous. Est-ce qu'on est toutes là? La tranche de pain flotte tout seul, puis elle vient se placer, puis on mange. Non, mais il y a beaucoup qui se posent des questions à un moment donné. Quels sont les sujets de discussion? Mais ça ne doit pas être un cadeau de toujours être comme moi. À quoi vous pensez, M. Kem, quand vous faites du ski? Je pense à ne pas me casser la gueule. Comme tout le monde. Sauf que c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, l'humain s'imagine que, bon, mais non. Je m'ajuste au monde planétaire dans lequel je suis placé. Alors, je fais du ski sur des skis. Je fais pas du ski sur des skis glisseurs, hein? Des aéroskis. Je glisse pas des nuages. Je m'ajuste. Lorsque l'homme... Parce que vous êtes tous des êtres un peu plus ou moins comme moi. C'est-à-dire que vous êtes tous des individus qui avait des facultés, qui avait des connaissances, qui avait une expérience, qui avait une mémoire, qui avait une programmation, qui avait une intelligence, qui avait un avenir, un présent qui est différent du reste de l'humanité. Vous vivez tous dans un monde différent, mais vous efforcez tous de voir vos mondes de la même façon. Alors, tout le monde veut être collectif, tout le monde veut être normal. Mais pourquoi vous êtes tous vêtus de façon différente? Vous suivez une certaine mode parce que vous voulez être individuel dans l'apparence, mais vous ne pouvez pas supporter de l'être dans la réalité. Alors, on suit la mode, mais on ne veut pas être habillé comme tout le monde. Mais on veut être à mode. Ah, ben oui! On veut pas écouter les mêmes morceaux de musique que tout le monde, mais on veut quand même pas non plus être arriéré. C'est ça, l'illusion. J'allais au magasin dernièrement pour aller acheter des souliers pour ma femme. Enfin, elle allait s'acheter des souliers, c'est le matin, elle me trottait dessus. Et puis le vendeur lui dit, ah oui, c'est cette sorte-là, là, ça c'est notre plus gros vendeur, ah, ça se vend, là, cet été, là, ça se vend, c'est écœurant. Ah ouais. Ben c'est assez pour que ma femme dise, ouais, ça se vend beaucoup, oui. N'avez-vous une paire qui se vend pas? Ben oui, parce que si, ah oui, ça se vend, oui, ah c'est bien la mode, oui, ah bon, ben je vais essayer. Tout le monde veut être différent, tout le monde se dit individuel, puis tout le monde porte les mêmes souliers. On n'a pas tous les mêmes souliers, mais on veut des souliers à la mode. On porte toute la même onde de forme, le même égrégore d'un pied. Marche dedans. Alors, on ne veut pas avoir des cravates qui ne sont plus à mode. Vous savez, des grosses cravates comme ça, là? Ou des pantalons qui vont matelot, là. Vous savez, là? Les enfants pouvaient se cacher. Les enfants n'allaient plus en dessous de la jupe des mères. Ils allaient dans les culottes de leur père. Tellement c'était vaste. Les souliers Patoff, c'est connu ça. Les gros talons de souliers, que quand vous descendez votre descente de garage, vous savez plus si vous déboulez ou si vous descendez. Bon. Mais c'était la mode. Puis à un moment donné, c'est plus la mode, alors plus personne n'aime ça. Ah oui, mais on n'a pas les mêmes souliers. Les miens sont rouges, les tiens sont verts. Ben oui, mais... Pourquoi pensez-vous que lorsqu'on achète une paire de pantalons de jogging Adidas, ça coûte plus cher que si on prend un nom qui n'est pas connu? Parce qu'on paye le prix du collectivisme. Tu cours bien mieux d'un culotte Adidas. Là, t'as l'air d'un jogger. Sinon, t'as l'air d'un Zellers ou je sais pas quoi. Non, mais c'est un fait. Alors, on veut avoir des OK un peu différents, mais on va avoir un toiling. C'est un symbole. L'humain est collectivisé. Faut en prendre conscience, faut en rire, parce que c'est amusant de voir l'intelligence qui manipule l'humanité. C'est génial, génialement fait. Ça passe à l'insu de tout le monde, sauf de celui qui, à un moment donné, se réveille. Mais celui-là, quand il se réveille, ça devient pesant. Alors, il veut communiquer, mais il communique à ceux qui se réveillent moins que lui ou qui se réveillent dans d'autres plans. Parce qu'on se réveille pas tous par la même fenêtre. Tout le monde voit le soleil quand le monde se réveille le matin. Mais tout le monde voit pas tout le monde n'a pas la même vision du soleil. Et là, on essaye de se dire qu'on a tous vu la même chose. Pour se sentir bien. Alors qu'on a tous vu différemment. Si je demande à un moment donné à l'un d'entre vous, est-ce que vous vivez la même vie que pas mal de monde? Ben, je suis en société, on est 2 millions, on est 6 millions, disons, au Québec, ou on est 240 millions en Amérique. Puis on vit approximativement la même chose, on est pas mal. Mais non, parce qu'il n'y en a pas un présentement qui est assis sur la même chaise que vous. Qui est dans le même corps, qui est dans le même linge, qui pense la même chose, qui a les mêmes pathologies, qui a la même forme de santé, personne. Tout le monde vit une vie tout à fait individuelle. Et il y a quelque chose qui instruit l'humain à faire en sorte que l'humain vive une vie collective. Et ça, vous ne pourrez pas y échapper pour l'instant. Parce que si vous, à un moment donné, vous devenez tout à fait individuel, donc j'appelle l'homme nouveau, ben vous allez toujours rester dans une collectivité. Et la collectivité matérielle, elle est intelligente parce qu'elle permet à l'homme de diviser ses efforts et de multiplier les résultats lors de son travail. Tandis que le collectivisme, au niveau de la psychologie, au niveau du plan mental, au niveau des contacts supramentaux, au niveau de l'esprit, au niveau de lui, ne peut plus être vécu par la masse à un moment donné. Alors, à travers cette masse, il y a des particules, des êtres humains, des personnes transitives qui, à un moment donné, vivent différemment de la masse et en prennent conscience. Mais là, ils se posent la question que l'organisation structurale de manipulation collective a prévue, parce que ça s'est implanté chez vous depuis le très, très bas âge. Si à un moment donné, vous êtes un peu différent, que vous vous sentez différent, vous êtes programmé à vous poser la question, suis-je normal? La réponse, non. Alors, on vous replace. Mais lorsqu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre chez vous qui vient vous animer, le suis-je normal? Ou on y répond pas, ou on s'en fout, ou on se dit non, puis on en est content, où on se dit oui, puis c'est les autres qui le sont pas. Mais quand, à un moment donné, on se laisse plus ramasser par cette question fondamentale imbriquée dans l'humain. Comment c'est imbriqué par l'éducation, religieuse ou sociale ou scolaire? Peut-être t'es pas normal, toi. C'est pas normal de faire ça. Mais c'est normal d'avoir des notes comme ça. C'est normal de se forcer. C'est normal de vouloir réussir sa vie. C'est normal de... C'est normal. Voilà. Et à la longue, quand il se passe quelque chose, suis-je normal? Vous savez que vous ne devez pas être normal. Devez être vous. Mais le problème, c'est que si vous voulez être vous, vous allez devoir apprendre à vous ajuster. La puissance de l'homme nouveau, c'est quoi? C'est l'ajustement. Qu'est-ce qu'elle a de puissance, l'ajustement? Simplement qu'elle permet à n'importe qui d'entre vous d'être vous sans que personne ne le sache. C'est ça, l'ajustement. Alors, à un moment donné, ça vous permet de penser comme vous voulez penser, d'avoir les idées que vous voulez avoir, d'avoir le vécu que vous vivez à l'intérieur, d'avoir les contacts ou de faire, de penser, d'imaginer, de rêver, d'intelligencer, de cellulariser, de conscientiser, de faire n'importe quoi chez vous, dans votre corps, dans votre tête. Et personne ne le sait que vous êtes anormal. L'ajustement permet ça. Alors, ça fait que lorsque vous allez magasiner, vous magasinez, vous allez magasiner comme tout le monde. Mais en même temps, ce ne sera pas comme tout le monde. Ça fait que lorsque vous allez manger des chips, vous allez les manger comme tout le monde. Mais vous ne serez quand même pas comme tout le monde. Ça fait que simplement, vous allez être tout à fait vous, sans que personne ne le sache. Et si personne ne le sait, vous ne vous ferez plus agresser par la masse, par l'extérieur, parce qu'ils ne voudront pas vous récupérer. Ils ne sauront pas qu'ils vous ont perdu. Or, ça crée une puissance interne extraordinaire. Vous attendez plus après l'humanité pour changer. Vous changez à votre rythme. Si c'est plus lent, c'est plus lent. Si c'est plus vite que l'humanité, c'est plus vite. Mais il n'y a plus personne pour vous sauter dessus, pour vous sauter d'en face. Soit pour vous forcer à évoluer dans un chemin qui ne vous convient pas, parce qu'apparemment, vous allez trop lentement. Soit pour vous empêcher d'aller trop vite, parce qu'apparemment, vous vous prenez pour quelqu'un d'autre. Vous restez vous autres. L'ajustement, il est au niveau du vécu. J'ai des questions souvent au niveau du PMC, par exemple, où les personnes me disent, là, il y a une personne dans le bureau là, qui énerve tout le monde, puis là, moi, je le perçois, là, ça me saute d'en face. Là, ce que je dois y dire, ce que je dois placer, ce que je dois y sauter dessus. Ajustez-vous. Vous savez que l'homme n'a pas comme fonction sur la planète de sauver les autres hommes. L'homme a la fonction sur la planète d'aider les autres en ce sens qu'il doit cesser de leur nuire. Là, il va les aider en maudit. Parce que regardez que si vous avez un problème fondamental et que vous savez que telle personne peut vous aider, vous allez la voir et là, elle va vous aider. Mais si vous avez un problème chez vous, là, puis ça cogne à votre porte, là, puis là, on vous dit carrément qu'on va vous aider. Ils savent même pas quel est votre problème, mais ils vont vous aider. Ils vont vous nuire. Ils vont vous nuire, pourquoi? Parce qu'obligatoirement, ils vont vous forcer à ne plus être centré dans votre intelligence, donc ils vont vous instruire à ne pas régler vous-même vos problèmes, mais à les faire supporter par une collectivité où ensemble, c'est beaucoup plus facile. On n'évolue pas chez soi, on évolue dehors, avec tout le monde. C'est pas comme ça que ça se fait. Vous savez, lorsque le Nazaréen dit que les portes du ciel sont petites de même, et pensez pas que c'est en gang qu'on va rentrer là-dedans. Ça rentre un par un ou deux par deux. Mais ça rentre pas à coups de millions. Alors la masse qui évolue, à un moment donné, face à la queue, il y aura des plus proches, puis il y aura des plus loin. Hein? Vous devez apprendre à vous ajuster. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à cesser de souffrir. L'évolution, elle est souffrante pour la majorité de l'humanité. Et plus l'humain perçoit la souffrance, plus l'humain perçoit la conscientisation, plus l'humain conscientise quelque chose chez lui, et plus l'humain voit que les autres ne le conscientisent pas, plus l'humain souffre. Pourquoi qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi il agit de même? Il devrait le savoir. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi moi je comprends et pourquoi les autres ne comprennent pas? Ça, c'est la souffrance de l'homme transitif. Alors, il doit apprendre à s'ajuster pour pouvoir vivre avec les autres, sans devenir un traumatisme pour les autres. Parce que les autres vont se défendre, alors les autres vont devenir un traumatisme pour lui. Moi, je n'ai jamais perdu d'amis. Je n'ai jamais eu de problème de couple ou familial par rapport à ce que je faisais. Je n'ai même jamais eu de problème avec mes parents. Oh, ils m'ont toujours trouvé un peu original. Mais j'ai jamais eu de problème, parce que j'ai su m'ajuster tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont su ce que je faisais lorsqu'à un moment donné, il y a un livre que j'ai écrit et qui a été épuisé en un an. Et vu que tout le monde l'avait acheté, le livre, je ne devais pas être pire. Ah ben là, ils ont pensé que j'étais correct. Mais s'ils l'auraient su avant que tout le monde le sache, ils m'auraient traité carrément de fou. Mais vu que tout le monde me supportait, ben mes parents me supportaient aussi. Mais si personne ne m'aurait supporté, mes parents m'auraient lâché. Parce que c'est parents normaux. Alors je me suis toujours ajusté. Aujourd'hui, je peux parler comme ça de mes parents parce qu'ils sont encore plus ajustés. C'est correct. Ils me laissent faire et ça ne les dérange plus. On s'ajuste continuellement à tout. Moi, je n'ai jamais rien perdu, pas parce que je suis un être exceptionnel, tout simplement parce que je suis ajusté. Et il y a de plus en plus de personnes qui découvrent le phénomène de l'ajustement, donc la puissance de l'ajustement. Et là, il y a un paquet de problèmes qui commencent. Le soir, ici, quand je jase souvent avec le monde, la majorité, quand ils viennent me poser des questions, c'est avec des manques d'ajustement. J'ai tel problème avec un tel. J'ai tel problème avec... Voilà. Ce sont rares les personnes qui me disent « Oui, quand je dors, je fais que des cauchemars. » Rare. Habituellement, c'est toujours des problèmes d'ajustement. Qu'est-ce que je devrais faire pour que mon mari comprenne plus? Ben, donne-lui des coups en arrière. Ou bien, laisse le don être lui et laisse le don comprendre ce qu'il peut comprendre à son rythme. Oui, mais c'est lui qui m'empêche de... tient notre Audi. Alors, il est temps maintenant de commencer à ajuster. Puis ajuster, rentrez-vous ça ici, ça veut pas dire de traiter l'autre comme un niaiseux. Ça veut dire simplement de créer une relation harmonieuse entre vous et un autre. Si l'autre est puissant et que vous êtes puissant, mais que vous n'êtes pas tous les deux à la même place, automatiquement, il faudra de l'ajustement entre les deux. Alors, c'est pas parce qu'une personne est inférieure qu'on doit s'ajuster. C'est simplement parce qu'une personne n'est pas dans le même état de conscience que vous, dans la même région. Une personne, un jour, peut comprendre que qu'elle n'a pas besoin de rire tout le temps pour être heureuse. Un autre va comprendre qu'elle n'a pas besoin de broyer tout le temps pour être malheureuse. Bon, ben les deux ont compris quelque chose. Mais si les deux viennent se parler, ils ne pourront pas se comprendre. Il faudra qu'ils ajustent. Tous ceux qui, et là je répète une chose, fondamentalement, l'instruction collective de l'homme le force régulièrement à partager sa vie avec les autres. Il ne parle pas de sa vie matérielle, il parle de sa vie. Étant donné que ça le force à partager, obligatoirement, il y aura des conflits. Lorsque vous rencontrez, vous êtes, disons, au niveau du Parti libéral, vous allez souper, vous rencontrez un péquiste, parlez pas de politique. Mais si c'est votre mari qui est péquiste et que la femme, elle est libérale, dans la maison tous les deux, il faudrait qu'il y ait d'ajustement, parce que continuellement, ils vont se revirer l'un sur l'autre. Mais s'il y en a une qui est péquiste, l'autre qui est libérale, et que les deux ne se sont jamais demandé leur opinion politique, les deux ne sauront jamais pour qui l'un l'autre vote, il n'y aura jamais de chicane dans la famille. Il n'y aura jamais de problème. Et s'ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire, ben qu'ils s'arrangent pour s'ajuster. Comment? On a droit chacun nos opinions. Ben ça, c'est déjà le début de l'ajustement. Comme ça, tu t'attends à ce que l'autre soit d'une opinion différente. Il peut être de la même opinion, mais on ne le sait pas. Et puis, on parle de cette mécanicité, du respect que les personnes des partis devraient avoir l'un pour les autres, du respect de ceci, de cela, de cela. Et puis après ça, ils peuvent peut-être amener leur politique sur la table. Alors, ah, bon, t'es piqué, ça, moi, je suis libéral, c'est comique. Et puis, si c'est suffisamment ajusté, parce que moi, mes parents ont souvent voté, d'ailleurs, un parti, un pour l'autre, et puis l'autre pour l'autre. Et puis, je me chicane. Du moins, pas depuis que je puis entendre. Avant, je peux pas vous dire. L'ajustement, elle va vous permettre... Vous savez, je ne peux pas vous montrer comment vous ajustez sur tous les niveaux. Vous avez de l'intelligence, vous êtes capable de comprendre le phénomène de l'ajustement et après ça, appliquez-le vous-même. Ne venez pas me voir tout à l'heure pour... Mais moi, c'est ma fille, comment m'ajuster? Moi, c'est mon gars, comment je vais m'ajuster? Moi, c'est ma femme, comment m'ajuster? Moi, c'est mon mari, comment m'ajuster? Moi, ma mère est malade, comment m'ajuster? Moi, j'ai une tumeur ici, puis tout le monde, comment m'ajuster? Mais non, vivez vous-même. Je ne suis pas un maître. Je ne suis pas là pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire. On parle de principes. Le principe de l'ajustement est un principe fondamental qui devrait être enseigné dans les écoles à l'élémentaire parce que c'est un principe d'écologie, parce qu'on respecte l'écosystème psychologique ou évolutif ou spirituel ou mental ou supramental des humains. Alors, automatiquement, lorsqu'on apprend à être ajusté, cela veut dire qu'on devient juste. Et si on devient juste, on devient toujours juste par rapport à un autre. On ne peut pas forcer l'autre à devenir juste par rapport à nous si c'est nous qui entreprenons la conversation. C'est nous qui ouvrons le bal. C'est à nous de nous ajuster, pas à l'autre. Alors, lorsque l'être humain veut communiquer, lorsque vous vous sentez dans l'obligation de partager, je ne dis pas que c'est mauvais le partage, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, il faudra que vous partagez seulement avec des personnes qui vivent la même chose que vous. Alors, évidemment, là, c'est un trip où on s'énergise soi-même et puis on s'en est convaincu de plus en plus que ça marche. Ça peut être dangereux, ça peut être bénéfique, ça dépend évidemment des phénomènes. Sauf que si on est obligé de partager avec un autre, toujours prendre en considération le fait que l'autre ne vit pas ce que vous vivez et que vous ne pourrez jamais prouver ce que vous vivez, donc que l'autre ne pourra jamais comprendre intégralement ce que vous vivez. Cela veut dire que l'autre sera toujours essaiera toujours de confronter ce que lui vit à ce que vous vivez. Vous ne pourrez pas non plus comprendre le vécu de l'autre. Alors si l'autre veut vous amener dans son vivant, et si vous voulez amener l'autre dans son vivant, ben vous voulez le tuer, puis lui veut vous tuer, puis évidemment il y aura une guerre. Si on s'ajuste, c'est qu'on place des choses entre les deux personnes pour pouvoir arriver à discuter convenablement sans avoir de problème. L'ajustement, c'est cela. L'ajustement, je répète que lorsque vous allez comprendre la mécanicité, lorsque vous allez comprendre l'intelligence, la puissance d'être ajusté, bien, vous allez pouvoir enfin être vous. Restez vous, totalement vous, témoins de Jéhovah, chrétiens, mormons, bouddhistes, Krishna, libérés, athées, ovniques, tout ce que vous voudrez, sans jamais que ça nuise à personne. Et lorsque vous serez dans votre intelligence, quelle qu'elle soit, axée sur n'importe quel cheminement, mais dans votre intelligence, seul, sans être empêché par tout le monde, il va se passer une chose formidable, c'est que vous allez être capable, enfin, une fois dans votre vie, de cheminer jusqu'au fin fond de votre chemin. Et si à un moment donné, le chemin est épuisé, que vous voulez changer, vous changerez. Mais vous serez au moins une partie votre seul maître. Tandis que si continuellement vous changez sous la pression de tout le monde, sous l'écœurement des autres, sous le poids des opinions des nôtres, vous rencontrez quelqu'un à un moment donné qui vous prouve que Dieu n'existe pas, mais que ce sont des Elohim qui sont venus sur la planète créer l'homme et patati patata. Bon, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais sur les arguments de ces personnes, vous finissez par dire « ça a de l'allure, hein, maudit ». Alors vous sortez de là, puis là, hey, ça a de l'allure. Là, vous rencontrez votre famille ou vos amis, puis là, vous voulez leur en parler. Mais vous n'avez pas la puissance des arguments, parce que vous n'êtes pas pratiqué comme là, comme les autres. Alors là, vous arrivez, « Ouais, mais sais-tu que... » Comment qu'il m'a dit ça? « T'es un petit peu, il s'est passé, tac, tac, tac, tac, tac. » Ouais, mais là, vous allez vous faire ramasser en maudit. Alors les autres vont vous amener aussi une puissance d'argument. Et puis là, vous allez dire, « Ouais, c'est vrai, tu sais, c'est vrai. » C'est vrai, ça a de l'allure ce que vous dites là, tabarnouche, j'aurais pu me faire avoir. Ben, vous êtes en train de vous faire avoir aussi. D'un bord ou de l'autre, c'est pas vous qui pensez. D'un bord comme de l'autre, vous vous faites avoir. C'est ça le problème. Alors, lorsqu'on va... Parce qu'il y a des personnes qui viennent ici au centre pour venir chercher... alors, est-ce que les ovnis, ça existe? Bon. Est-ce que la réincarnation, ça existe? Est-ce que... etc., etc. Le travail que moi je fais, c'est un travail qui oblige l'homme à penser, qui l'individualise. On peut faire ça, tout le monde ensemble, ça ne dérange pas, à l'incondition qu'on pense pour soi. Individuel dans la tête, on peut être collectif au niveau du travail, c'est intelligent. Imaginez-vous s'il aurait fallu qu'on fasse, je sais pas moi, 150 petites pièces pour que vous soyez tous tout seuls pour écouter la conférence. Si on n'est pas collectif, tout le monde est tout seul. Toutes des chaises de formes et de couleurs différentes, de hauteurs différentes, pour pas que personne soit collectif. Mais non, mais on est intelligent, on fait ça en gang. Sauf que dans la tête, il faut être individuel. Alors, on ne sort pas en disant « qu'est-ce que t'en penses? » C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Pensez-le donc. N'allez pas le confronter à l'autre. Parce qu'en fin de compte, lui et vous ne penserez plus rien. Vous allez avoir une pensée collective, celle des deux. Donc, une coloration fusionnée des deux pensées qui ne sera plus ni la sienne ni la mienne quand vous allez sortir, qui ne sera plus ni la celle de l'autre ni la vôtre. S'ajuster, pouvoir être une humanité libre qui a la faculté de relation entre elles, c'est sans conflit. Si l'autre ne peut pas supporter que vous pensiez différemment, ajustez-vous. Pensez comme lui, devant lui. Et restez-vous, chez vous. Si on vous force à venir dans le même culte que lui, parce que supposément que, bien ajustez-vous. Dites-lui que vous n'êtes pas prêt. Dites-lui que, mais dites-lui pas qu'il est con, que c'est stupide, que, ben non, ça fonctionne pas, ça crée des chicanes. Qu'est-ce qui est important pour vous? La paix? Être dans votre intelligence? Être suffisamment harmonisé? Conserver vos énergies? Ou bien être sûr d'avoir gagné sur l'autre? J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit que c'était niaiseux son affaire. Ça, c'est pas ça qui va améliorer votre vie. Ça vous épuise. Ça vous stresse. Ça élimine des amis. Vous savez que chaque être humain sur la planète devrait être quelqu'un avec qui on peut jaser. Avec qui on peut parler. Sauf que chaque être humain sur la planète n'est pas quelqu'un qu'on peut convertir. Je ne parle pas que des religions. Je parle de toutes les idéologies, des opinions. Vous n'êtes pas un véhicule à conversion. Vous n'êtes pas là pour être converti. Alors, vous passez d'une place, hey, hein, c'est vrai, ça a de l'allure, vous allez à une autre place, c'est vrai, ça a de l'allure, il fait me faire avoir. Et à un moment donné, vous les rencontrez encore sur la rue, là, vous avez peur d'eux autres, parce que vous avez peur qu'ils vous aillent. Mais si vous êtes vous-même, il n'y a plus de problème. Vous vous ajustez. On va venir avec la deuxième partie de façon sur des questions sur l'ajustement. C'est une puissance incommensurable qui, premièrement, ne manipule pas l'humanité, mais vous permet, vous, de devenir votre seul maître un peu plus, d'être dans votre intelligence. Alors, si vous avez des questions, vous allez les scribouiller sur des papiers. Merci beaucoup, Daniel. Alors, n'oubliez pas que l'achat du billet de la semaine prochaine, cette première partie de conférence vous est gratuite.